Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, question 119. De la propagation humaine quant au corps. Fonction des aliments, d'où provient le principe générateur? 1. Une partie des aliments est-elle réellement changée en la nature humaine? Notre âme peut abandonner la matière qu'elle affecte, autrement le corps ne serait pas sujet à la corruption. Conséquemment, elle peut s'attacher à une autre matière, ou, ce qui est la même chose, une autre matière peut être réellement changée en la nature humaine. Et, en effet, dans la nutrition, où le corps s'assimile les aliments non seulement pour son accroissement et son développement, mais encore pour réparer la déperdition causée par la chaleur naturelle et pour restaurer ses forces. Une partie des aliments passe dans nos muscles et entre dans nos os et nos organes, qui appartiennent réellement à notre nature. Note. Si au bois qui se consume dans le foyer on substitue graduellement d'autres bois, ce sera toujours le même feu qui subsistera, parce que le bois ajouté se transforme constamment en la substance du feu préexistant. Ainsi faut-il raisonner du corps humain, dans lequel la nutrition restaure continuellement ce qui est consumé par la chaleur naturelle. Fin de la note. 2. En latin dans l'ouvrage, traduction. Est-ce que le sperme provient d'un surplus de nourriture? Lorsque la semence séminale a la nature de ce qui est généré à partir de la nourriture, avant qu'elle ne soit transformée en substance des membres, il est dit à juste titre que la semence provient de ce qui reste de la nourriture, c'est-à-dire que la part de la nourriture n'est pas nécessaire pour en prendre soin. Voir saint Thomas d'Aquin Somme théologique supplément, 5e partie objection 4 et suivante et réponse à l'objection numéro 5 sur le site de jesusmarie.free.fr/sup. -q-080.htm. Fin de la première partie. markandanarchive.org 2020. Extrait du tome 1er. D'après Books Google FR. Licence Creative Commons pas d'usage commercial. Partage à l'identique.